Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des Saguenay de Scoutimi. On va parler du Marcos Pub de Saint-Félicien. On sait que ce club-là a été sauvé in extremis. Il y aura une équipe midget 2B cette année à Saint-Félicien. Mais la grande question que se pose, c'est-tu juste partie remise? On en parle avec Jean-Philippe Boivin, qui est le nouveau coordonnateur de hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Jean-Philippe. Salut Danny. Jean-Philippe, le Marcos Pub a été sauvé. La question que je me pose, par contre, c'est-tu juste remettre le problème à l'année prochaine? Parce que là, ce qu'on voit là actuellement, là, ce qui se dessine, c'est que le hockey mineur, il n'y a pas d'équipe dans les rapides de Boumsissine et le Bantam. Les jeunes s'en vont dans le hockey scolaire à Robertval. Ça a une sérieuse question pour les Castors l'avenir. Il n'y a pas eu d'équipe à Massouillache avec du Bantam l'an dernier également. Coudon, oui, vous avez sauvé le Marcos Pub, mais est-ce que dans le fond, c'est-tu juste partie remise? Puis là, il va falloir s'associer au hockey mineur, puis on est à la croisée des chemins? Écoute, Danny, ta question est super bonne. Est-ce que c'est partie remise? Je te dirais que non. La raison pourquoi on a pris la décision d'y aller de l'avant quand même, là, après l'évaluation des personnels en place, c'est que l'équipe est quand même super jeune. Puis on pense quand même garder un bon noyau pour les années, au moins l'année prochaine puis l'autre année. On pense être capable de garder un bon noyau en place. Puis ça, si on additionne quelques retours scolaires, on pense que on va être capable de mettre encore l'équipe Marcos Pub quelques années assurément là, en place là, sans trop de problèmes, avec un calibre plus qu'intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que v'là quelques années, on monte v'là 3-4 ans, là. Il y avait 100 joueurs, tu sais, à Saint-Félicien. Puis là, on a énormément de misère depuis l'année passée à faire une équipe. Et je peux bien croire qu'il y a moins d'enfants, que tout le monde est à la recherche de main-d'œuvre, et ainsi de suite. Mais là, de là à pas avoir d'équipe, c'est toute qu'une marge. Hein. Oui, c'est toute qu'une marge. C'est sûr que l'avenue des Aigles de Robertval fait en sorte que tout ce qui est dans le secteur Robertval, Mastoyage, Saint-Félicien, au niveau du Bantam, c'est sûr que le calibre qui est le plus visé par le scolaire, c'est le Bantam. Ça, on se le cache pas. Puis ça, je m'en aperçois. Quand je fais le tour au niveau des calibres, c'est le calibre qui est le plus visé. Alors, d'ailleurs, la Ligue Bantam, cette année, on a une diminution d'équipe. Il a fallu faire quelques changements. D'ailleurs, on essaye un projet pilote cette année au niveau du Bantam. On rentre une équipe qui est projet hybride avec la polyvalente d'Arvida. Donc, les jeunes vont aller en sport études, mais vont jouer civil. On essaie d'autres choses. Est-ce que l'avenir peut passer par là au niveau du midget aussi? Peut-être. C'est toutes des questions là, qu'il va falloir se poser dans un avenir là, très rapproché même, je te dis. Ben oui, parce que là, il ne faut pas être pris à la dernière minute. Et j'ai l'impression ce qui est arrivé, puis j'en parlais avec quelqu'un, ce qui est arrivé, vous avez comme été pris au dépourvu, parce que là, c'est à la dernière minute, en mot t'as dit. Là. C'est ce qui est arrivé un peu derrière, ça ne me dérange pas de m'en parler. Ouais. Dans le fond, ce qui est arrivé, là, c'est que moi, je suis rentré en poste, là, je remplace Alexandre Lallemand. Moi, je suis rentré en poste fin mi-mai environ. Puis moi, quand je suis rentré, j'ai fait un topo un peu de vers où je m'enlignais pour le début de la saison. Surtout dans le double lettre. Puis, à ce qu'on me disait, là, je parlais à Oulik, tu sais, je parlais à des gens, là, puis à ce qu'on me disait, est-ce que je me souhaite avoir peut-être, là? Mais peut-être. Mais il y avait un midget 2B à Saint-Félicien. Aller jusqu'à, je vous dirais, la deuxième, première semaine, fin de la première semaine de septembre, moi, il y avait une équipe midget à Saint-Félicien, puis ça allait bien, là. Puis on me disait même que l'équipe allait être super intéressante. Puis après coup, là, le bouton d'alerte a été pesé, qu'il n'y avait pas assez de joueurs, que le calibre n'était pas intéressant. Fait que suite à ça, c'est sûr qu'il y a eu des évaluations qui ont été mises en place. Par Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis la décision a été prise là, de mettre en place une équipe. Par contre, La Ligue JMS, qui est la Ligue Midget Junior ici, va aider à partir l'équipe du Marcos Sport à Saint-Félicien. C'était un peu la condition. Je voulais que la Ligue donne un coup de main pour partir le programme, le reconstruire une équipe, puis reconstruire un CA, un conseil d'administration de l'équipe. Ça, c'était un peu la question. Mais je suis pas inquiète qu'ils vont avoir une bonne équipe cette année. OK, OK. Si on parlait, donc, est-ce que Mathieu Lapierre est l'entraîneur-chef du Marcos Sport? Là, par contre, sur ce qui est là, entraîneur, là, pour l'instant, là, je m'avancerai pas sur rien parce que je suis peut-être plus au courant que moi. On fait une vérification. C'est ça. Là, je vais faire attention. Là, je vais m'abstenir sur tout ce qui est organisationnel pour l'instant. Pour l'instant, c'est la Ligue JMS qui a un peu le contrôle là, pour réunir une organisation là, qui se tient la route. Par la suite, là, on est au courant là, au jour le jour là, quelles opérations qui sont faites. Puis entre-temps, on avance dans le dossier. Mais là, on vient de parler du Marcos Sport, mais je me pose la question pour ici des rapides. Ça fait des années des rapides de Boom Sisney qui est au niveau Bantam qui avait une bonne équipe. Ils ont eu des bonnes équipes. Même l'an passé, c'était très, très fort. Là. Puis cette année. Cette année, on va prendre une pause. On a même été au provincial, puis là, on prend une pause. Il me semble que c'est quelque part, c'est radical, non? Oui, cette année, on va prendre une pause parce qu'eux autres, on a d'autres réalités qu'on n'a pas. Tu sais, moi, je viens du Saguenay, dans le haut du lac, ils ont une autre réalité aussi des distances. Là. C'est-à-dire que si on faut faire attention aussi à ça, on n'a pas les mêmes distances. Là, on prend une pause cette année. Ça va être réévalué après les fêtes, savoir si on met une équipe dans le temps l'année prochaine en place dans le secteur de Dolbeau. Ça va tout être réévalué là, en cours de route là, d'ici les fêtes puis au retour des fêtes rapidement. Là. Mais Jean-Philippe. Je dirais d'ailleurs que toute la double lettre va être réévaluée au complet, là, de Atom jusqu'à Junior. Mais est-ce que c'est. Je reviens à ma même question. Est-ce que là, on est rendu à la croisée des chemins? Parce que là, tu me dis, on va reprendre des séances l'année prochaine. T'es pas en mesure de me dire oui, c'est sûr. Puis quelque part, Simon Gaudreau et l'équipe de Roberval travaillent très fort pour avoir quelque chose de compétitif. Puis est-ce que c'est là qu'il va falloir vraiment prendre une décision? Est-ce qu'on donne tout au hockey mineur? Est-ce que le hockey mineur continue le civil ou on donne tout au scolaire par la suite? La question est bonne. Écoute, je pense qu'on n'est pas rendu là encore à tout donner d'un bord ou de l'autre. Là, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Je pense qu'on est peut-être rendu, par contre, il y a déjà des. Regarde, je te disais tantôt, là, avec le Bantam hybride à Arvida, on prend déjà des directions là, avec le scolaire. On va essayer. Puis il y a d'autres rencontres qui sont prévues. Là, je peux pas en parler parce qu'il est beaucoup trop tôt. Il y a d'autres rencontres prévues dans le courant de l'année là, qu'on va essayer de mettre d'autres choses en place avec le scolaire. Mais est-ce qu'on est rendu à croiser des chemins? J'irais pas jusqu'à là. Est-ce qu'on est rendu à se poser des bonnes questions sur le processus, comment on construit nos équipes, comment on place nos joueurs? Peut-être, oui. Okay. Ça, peut-être. Bon, on va parler maintenant de ce qui est au hockey mineur en général. Toi, t'arrives en poste, c'est ta première année, t'arrives avec des gros dossiers, t'es au Saguenay, c'est pas facile, les dossiers, je connais pas les dossiers du Saguenay, j'en ai assez du Lac-Saint-Jean, là. sauf que je vois le Marcos Sport, je vois les rapides, ça a pas été facile. Le hockey scolaire qui rentre là-dedans, toi, comment tu vis ça là-dedans, avec tout ça, là? Ben, ça va bien, ça va vite. Il y a eu des bons dossiers. C'est sûr que depuis le mois de mai, là, ça a été. Pour l'instant, là, j'ai fait beaucoup de lectures pour voir où ce qu'on était. Je suis beaucoup au point d'étudier aussi là, comment est-ce que ça fonctionne. C'est sûr que oui, ces dossiers-là font partie de la game, mais on avance tranquillement, puis on règle les problèmes à la fois. On n'a pas le choix. OK. Jean-Philippe Boivin, c'est qui? Jean-Philippe Boivin, tu as remplacé Marco Lavoie, mais Jean-Philippe Boivin, c'est-tu un gars qui... Alexandre Lallemand. Alexandre Lallemand, oui, c'est vrai, Marco, excuse-moi. Alexandre Lallemand, oui. C'est qui Jean-Philippe Boivin? Est-ce que c'est un gars qui ça fait longtemps qu'il est dans le hockey mineur, qui roule partout aussi? Oui, ça fait super longtemps. Écoute, moi, j'ai fait mes études ici en éducation physique à l'UQAC, il y a déjà quelques années, j'ai terminé. Au niveau du coaching, là, je vais éviter... j'ai commencé Pee-wee 2B là, plusieurs années. Okay. Après ça, là, j'ai monté Bantam 2B. J'ai fait du 2C aussi parce qu'à un moment donné, il bougeait entre calibre. Après ça, là, j'ai eu la chance de monter aussi au niveau des espoirs. J'ai fait du 2A, j'ai fait du 3A. Après ça, j'ai les dernières années, là, les 4 dernières années, j'étais sur le conseil d'administration là, de la structure Espoir. Fait que c'est ça qui m'a permis d'avoir, c'est ça qui m'a aidé mon poste, parce que ça me permet d'avoir un bon portrait aussi de la région. Puis j'ai même touché aux juniors de A, puis ben, aux seniors un petit peu aussi. OK, ouais. C'est là qu'on s'est connu avec la MGR Express de Jonquière. Ben, Jean-Philippe, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est un gros dossier, le dossier du Marcos Pop de Saint-Félicien. C'est très heureux que ça revienne. Là, la question qu'on se pose, est-ce que c'est... Je l'ai posé, puis là, on a pas, c'est sûr qu'on n'a pas de réponse présentement, mais elle mérite d'être posée en mot à dit. C'est-tu juste pour cette année qu'on va sauver ça, ou encore, si c'est juste pour cette année, c'est juste réparer le problème ou remettre le problème plus tard? Et là, c'est par la suite, c'est de travailler pour que ça continue pendant plusieurs années. Puis je suis bien content qu'au moins on a travaillé là-dessus. Oui, ben, comme je te dis, là, on va essayer de c'est une institution, c'est l'année Lac Saint-Jean, le Marcos Sport. Ça fait longtemps que j'ai un monde du hockey, ça fait longtemps que je joue le Marcos Sport. Ça aurait été dommage, compte. Parce que le Marcos Sport, c'est une institution à Saint-Félicien. Mon but, c'est que ça dure. Mon but, c'est que ça dure. Il faut que ça dure. On va tout essayer pour que ça dure longtemps encore. OK. Donc, voilà. Donc, Jean-Philippe Boivin qui nous parlait de la décision qui a été prise hier que le Marcos Pop de Saint-Félicien allait continuer leurs opérations.